Dostoïevski, le Moujik Marais, souvenir de Sibérie. C'était le deuxième jour de Pâques, l'air était chaud, le ciel bleu, le soleil haut et radieux, mais dans mon âme, il faisait sombre. J'errais derrière la caserne, je regardais, en les comptant, les barrières qui fermaient le préau. Depuis deux jours, la prison était en fête, les forçats ne travaillaient pas. La plupart d'entre eux étaient ivres, les chambrés retentissaient d'injures, de querelles et de chansons ordurières. On jouait aux cartes sur les lits de planches. Plusieurs hommes, battus jusqu'à la mort par leurs propres camarades pour avoir fait trop de tumulte, gisaient sur leurs lits. On les avait recouverts de leurs manteaux en attendant qu'ils reprissent connaissance. Plusieurs fois déjà, les couteaux avaient été tirés. Et cela durait depuis deux jours. J'en étais malade. D'ailleurs, je n'ai jamais pu voir sans dégoût une foule ivre, surtout dans un tel lieu. Pendant ces deux jours, l'autorité n'avait pas paru à la prison. Les perquisitions avaient été interrompues. On n'examinait plus si des bouteilles de vin n'étaient pas cachées sous les lits. Nos chefs comprenaient qu'il faut laisser s'amuser, au moins une fois par an, même des forçats, que c'est le seul moyen d'éviter de pires excès. Mais moi, la colère me prenait. Je rencontrai le Polonais, M. Ski, un prisonnier politique. Il me jeta un regard désespéré. Ses yeux luisaient, ses lèvres frémissaient. « Je hais ces brigands, » me dit-il à demi-voix en serrant les dents, et il passa. Je ne sais pourquoi, je rentrai aussitôt à la caserne, quoique je m'en fusse échappé comme un fou un quart d'heure auparavant, quand six hommes, si fort moujiques, s'étaient jetés tous à la fois sur un tartare nommé Gazine pour le maintenir et le frapper. Il l'avait battu comme plâtre. De tels coups pourraient tuer un chameau. Mais le tartare était un Hercule, et on le frappait sans crainte. En rentrant, je l'aperçus dans un coin, étendu sur son lit, presque mort. On l'avait couvert d'un touloupe, et les forçats, en passant auprès de lui, faisaient silence et évitaient de le toucher. On était pourtant sûr que dès le lendemain matin, il reviendrait à lui, mais de quel coup, qui sait, un homme peut en mourir. Je me faufilai à ma place, en face d'une fenêtre grillagée. Je m'étendis sur le dos, mis mes mains sous ma tête, et fermait les yeux. J'aimais cette position. Un homme qui semble dormir est ordinairement respecté, et l'on peut ainsi rêver et méditer. Mais je n'étais pas tranquille. Mon cœur battait à coups précipités, et j'avais encore dans les oreilles le mot de Hemski. Je hais ces brigands. D'ailleurs, pourquoi décrirais-je mes impressions? Maintenant encore, j'en rêve parfois, et je n'ai pas de plus terrible cauchemar. Peut-être aura-t-on observé que jusqu'à ce jour, je n'ai presque jamais parlé de ma vie au bagne. Il y a 10 ans que j'ai écrit « La maison des morts » sous le nom d'un personnage fictif, un condamné qui a tué sa femme. Et j'ajouterai à ce sujet que bien des personnes pensent et affirment encore que j'ai été exilé pour avoir assassiné ma femme. Peu à peu, pourtant, je me calmais et insensiblement, je plongeais dans mes souvenirs. Pendant mes 4 ans de bagne, je n'ai cessé de songer à tout mon passé. Il me semble que j'y ai revécu par le souvenir toute ma vie morte. Les souvenirs se dressaient d'eux-mêmes devant moi. Je les évoquais rarement par un effort de volonté. Cela commençait d'un point quelconque, d'un petit trait à peine perceptible. Et peu à peu, cela prenait les proportions d'un grand tableau et l'impression se fortifiait et se complétait. Et moi-même, je m'y intéressais, ajoutant de nouveaux traits à des événements depuis longtemps accomplis, les corrigeant et les arrangeant sans cesse, c'était mon seul plaisir. Cette fois-ci, ce fut un insignifiant incident de ma première enfance qui me revint à la mémoire du temps lointain où j'avais 9 ans. Je croyais bien l'avoir oublié, mais à cette époque, c'était surtout les souvenirs de ma première enfance que j'aimais à me rappeler. Notre village. Un mois d'août. Un jour sec et clair, un peu froid, du vent. L'été touchait à sa fin et nous devions bientôt partir pour Moscou. Il allait bientôt falloir, durant tout un hiver, s'ennuyer à étudier le français, que je regrettais de quitter la campagne. Je me rendis derrière la grange, je descendis dans le fossé et je montai au LOSC. On appelait ainsi chez nous une épaisse futaie située de l'autre côté du fossé jusqu'à la lisière d'un petit bois. et voilà que j'entre au plus épais des arbustes, et j'entends à quelque distance de là, à une trentaine de pas peut-être dans le champ, un moujik qui laboure la terre. Je sais qu'il laboure sur le penchant d'une colline et que le cheval doit avoir bien de la peine. De temps en temps, j'entends le cri « Hu, hu !» Je connais presque tous nos moujiks et je ne sais pas lequel laboure en ce moment. Et d'ailleurs, ça m'est égal. Je suis tout absorbé par mon occupation. Moi aussi, je travaille. Je me taille une cravache en bois de noyer pour battre les grenouilles. Les baguettes de noyer sont si jolies et si flexibles. C'est bien autre chose que des baguettes de pain. Les scarabées et les hannetons m'intéressent aussi. J'en fais collection et j'en ai de très bien habillés. J'aime aussi les petits lézards, si vifs, d'un si beau rouge jaunâtre avec de petites taches. Mais j'ai peur des petits serpents. Heureusement que les serpents sont plus rares que les lézards. Il y a peu de champignons dans la futaie, c'est sous les pins qu'ils foisonnent. Aussi je vais y aller. Je n'aime rien tant au monde que la forêt avec ses champignons, ses fruits sauvages, ses scarabées, ses petits oiseaux, ses hérissons, ses écureuils et cette douce odeur mouillée des feuilles pourries. Encore à cette heure où je crie, je sens cette odeur de notre pin de la campagne. Ces impressions durent toute la vie. Tout à coup, au milieu du plus profond silence, j'entends distinctement et clairement ce cri « Au loup ! Au loup !» Je pousse un cri de terreur, hors de moi, épouvanté et toujours criant, je cours droit vers le moujik en train de labourer. C'était notre moujik, Marais. Ce nom existe-t-il ? Du moins tout le monde l'appelait ainsi. Un moujik d'une cinquantaine d'années, fort, haut de taille, avec beaucoup de poils blancs dans sa grande barbe d'un blond sombre. Je le connaissais bien, mais jusqu'alors il ne m'était guère arrivé de lui parler. Il arrêta son petit cheval en m'entendant crier. Je fus bientôt près de lui et m'accrochai d'une main à sa manche et de l'autre à la charrue. Il remarqua ma terreur. « Le loup » m'écriai-je, tout suffoquant. Il leva vivement la tête et regarda instinctivement autour de lui, me croyant réellement poursuivi. « Où donc ? On a crié. Quelqu'un vient de crier. Oh, loup » balbutiai-je. « Qu'as-tu vu ? Qu'as-tu vu ? Quel loup ? Tu t'es trompé. Oh, mais quel loup peut-il y avoir ici ? » dit-il en adoucissant sa voix pour me rassurer. Mais je tremblais toujours et m'accrochais plus fortement à son cafetan. Je devais être très pâle. Il me regardait avec sollicitude et paraissait inquiet de me voir dans cet état. « Ah ! Comme il a peur ! Ah ! Hi aïe ! » dit-il en hochant la tête. « Allons, mon enfant ! Allons, petit !» Il me caressa la joue. « Calme-toi donc ! Le Christ ne t'abandonne pas ! Fais le signe de la croix !» Mais je ne pouvais faire le signe de la croix. Les coins de mes lèvres tremblaient, et c'était ce qui paraissait l'intriguer le plus. Il étendit doucement son doigt épais, tout terreux, avec un ongle tout noir, et toucha légèrement mes lèvres. « Vois-tu ? Ah ! Hi aïe ! » Il eut un long sourire presque maternel. « Mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ? Vois-tu ? » Je compris enfin qu'il n'y avait pas de loup, et que le cri que j'avais entendu était une illusion de Louis. J'avais déjà plus d'une fois entendu des cris analogues. Plus tard, ces hallucinations passèrent avec l'enfance. « Eh bien, je m'en vais, » dis-je, en le regardant d'un air interrogatif et timide. « Oui, va, je te regarderai partir. Je ne te laisserai pas prendre par le loup, » ajouta-t-il avec son étrange sourire maternel. « Que le Christ soit avec toi. Va !» Il fit le signe de la croix sur moi et se signa lui-même. Je partis en me retournant tous les 10 pas. Et tant que je marchais, Marais resta immobile auprès de son cheval, me regardant, comme il l'avait dit, et me faisant signe de la tête quand je me retournais. J'avais un peu honte de ma peur, je l'avoue. Pourtant, elle n'était pas tout à fait passée. Elle ne cessa complètement qu'au moment où j'atteignis l'autre versant du fossé, tout près du premier bâtiment. Là, notre chien de garde, Voltchok, vint en courant vers moi. Avec Voltchok, j'étais tout à fait rassuré. Alors je me retournai pour la dernière fois vers Marais. Je ne pouvais plus distinguer son visage, mais je devinais qu'il continuait à me sourire tendrement tout en hochant la tête. Je lui fis un signe de la main, il me répondit de même et fouetta son cheval. J'entendis encore dans le lointain « Hu, hu !» et le petit cheval se remit à tirer la charrue. D'où m'était venu ce souvenir ? qui le sait ? Les détails avaient une étonnante précision. Je me dressai sur mon lit de planches et je me rappelle avoir longtemps gardé sur mon visage le sourire des doux souvenirs. Et un moment encore, je voulus poursuivre cette trace laissée dans ma mémoire par cette heure de mon enfance. En quittant Marais, je me gardais bien de raconter à personne mon aventure. Et quelle aventure ! D'ailleurs, j'oubliais bientôt Marais. Souvent, par la suite, je le rencontrais, mais sans essayer de lui parler ni du loup, ni de rien du tout. Et tout à coup, maintenant, 20 ans après, en Sibérie, je me rappelais cette rencontre avec une singulière netteté, jusqu'au dernier trait. C'est sans doute qu'elle s'était gravée d'elle-même dans mon âme, et si je me la suis rappelée à cette heure, c'est qu'il le fallait à cette heure. Et je revoyais ce sourire, tendre et maternel, d'un pauvre moujik serf, ses signes de croix, son hochement de tête, son « comme il a peur, le petit ». Et surtout ce doigt épais, terreux, dont il avait, avec une timide tendresse et si doucement, touché mes lèvres tremblantes. Certes, tout le monde est disposé à rassurer un enfant, mais là, dans cette rencontre isolée, il était arrivé quelque chose de bien différent. J'aurais été son propre fils qu'il n'aurait pu me regarder d'un air meilleur et plus affectueux. Et qui l'y obligeait ? Il était notre serf. Et moi, tout de même, j'étais son petit maître. Personne ne pouvait savoir combien il avait été bon pour moi. Il n'y avait pas là de quoi le récompenser. Peut-être aimait-il les petits-enfants, c'est possible. En tout cas, la rencontre était isolée, dans un champ vide, et Dieu seul a pu voir d'en haut de quel profond sentiment de tendresse humaine, de quelle fine et presque féminine tendresse était rempli le cœur d'un moujik russe asservi, grossier et sauvage, et qui ne savait pas alors qu'il serait bientôt libéré. En me levant de mon lit de planche, je jetai un coup d'œil autour de moi, et je sentis tout à coup que je pouvais maintenant regarder ces malheureux tout autrement que je l'avais fait quelques minutes auparavant. Par une sorte de miracle, la haine et la colère avaient complètement disparu de mon cœur. Je fis quelques pas en examinant les visages que je rencontrais. Celui-ci, pensais-je, ce moujik tout rasé, ce paria ivre qui gueule sa chanson d'une voix enrouée, peut-être est-ce Marais. Et si je pouvais fouiller dans son cœur, dans la soirée, je rencontrai encore M'ski et je le plaignis. Il n'avait aucun Marais dans ses souvenirs et sa pensée était toute naturelle, je hais ces brigands. Et puis, ces Polonais avaient souffert bien plus que nous. Enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net.